Les âmes en passe de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles, les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se tissent, aussi vite qu'elles se dilapident. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles, les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman.